Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en escalade, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdue dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Artistes à l'œuvre, une série documentaire de Stéphane Bonnefoy réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a des clichés. Une jeune modèle qui pose nue sous les toits pour un peintre maudit. Mais au-delà des images, il y a des choix, des vies quotidiennes, des rituels ou pas, des artistes en devenir, un marché de l'art et du coup, la question de l'argent. Alors pour commencer, les personnages, une collectionneuse émue, un directeur de musée, un commissaire priseur à l'humour british, un peintre mort et célèbre, un trader devenu artiste et des galeristes malins. Ensuite, le décor, la collection de la vie d'un couple, des cimaises, des œuvres politiques, du land art et des performances pour esquiver le marché, des concepts et de l'inspiration, des musées et une vente aux enchères. Aujourd'hui, troisième épisode, on achète ou pas? C'est assez difficile à gérer, parce que là encore j'en sors un petit peu, mais quand ça a été fini, il n'y avait plus un tableau au mur ici, plus rien. Or, j'ai vécu quand même pendant des années avec mon mari au milieu de ces tableaux. C'était donc pas facile à gérer, non, franchement. Parce que tout est parti. Ma chambre, mon bureau, c'est énorme. Hein, tous ces tableaux qui partent tout d'un coup, les murs vides. Moi, j'ai pas l'habitude. J'ai toujours eu des choses au mur, toujours, toujours. Même dans ma chambre d'étudiante, c'était des affiches. Mais j'ai toujours eu besoin d'art autour de moi. Une des œuvres phares de la vente donc, que vous avez organisée chez Christie's en octobre dernier pendant la FIAC, Marie-Aline Pratt, c'était Jim Crow de Basquiat. Il se trouvait où alors le tableau ? Il se trouvait là. Et à la place du Dexter Dalwood que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps, je voulais un grand tableau, j'avais prévu le coup. Hein. C'était une œuvre extrêmement forte comme on a vu et elle était très très présente et mon mari et moi nous l'adorions. C'était vraiment, ça avait été un coup de foudre quand même, hein, cette palissade. Et c'était un achat qui a été très important parce que c'était quand même une très grosse somme même à l'époque. Donc... C'était affectif et puis également une sorte d'investissement, quoi, quand même, pas au sens spéculatif, investissement de notre vie, d'avoir acheté cette toile très importante. Bonsoir messieurs et madame, et bienvenue chez Christie's. Je suis ravi de tenir le marteau ici à Paris pour la première fois, pour une vente de telle importance et de telle qualité, la vente de la collection Jean-François et Marie-Aline Pratt. For our English speakers in the audience today who have joined us for FIAC or maybe here in Paris for today's sale, a very warm welcome to Christie's here at Avenue Matignon. I mean, as well as all of our insurance, in some ways, it's fun, yeah. Jean-Michel Basquiat, 1985. Here and there. There's a lot of interest. As you'll see, we have a lot of telephone banks here. Est-ce qu'il y a de la colère en toi ? Oui, bien sûr. Tu peux en parler ? D'où te vient-elle ? I don't remember. Je ne m'en souviens pas. You know, tu vois. And so we move to the Basquiat showing here on my right, the Jim Crow Oeuvre Magnifique de 86, originally exhibited by Bruno Bischofberger, exposé à Paris, Tokyo, New York, Los Angeles, New Orleans. Où est-ce qu'on commence? Where should we start this? 7 million, 7,500,000, at 7,500,000, 8 million, at 8 million euros, at 8 million, at 8 million now, 8 million 5, at 8,500,000. 8 million 5, Paul, not yours. At 8 million 5, 9 million. At 9 million, still not yours. At 9 million. At 9 million, therefore, pour le Basquiat. C'est un très beau travail, une très très belle œuvre qui est un petit peu à part parce qu'elle est assez construite. Elle n'est pas violente, apparemment, alors qu'il y a une violence très contenue. Et c'est ce qui m'intéressait, parce que je n'ai jamais été très attirée par l'expressionnisme pur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ça ne correspond pas à ma personnalité, et ça correspondait encore moins à celle de mon mari. Nous ne sommes pas des gens qui explosent tellement. Non. Donc, on aime mieux que les choses un peu retenues quand même, hein, en art. Donc, ce Basquiat correspond pas à l'idée que le grand public se fait de Basquiat. Mais j'ai une opinion, c'est que je me dis que c'est, s'il n'avait pas été tellement submergé par la drogue, il serait devenu un artiste incroyable. Mais c'est comme un chant du cygne, je trouve, très beau. Pour moi, c'est une très très belle, très très belle œuvre. C'est le tableau le plus cher vendu en France en 2017. Paul Nizam, Christie's. Et puis aussi le prix record pour Basquiat en France, vendu près de 15 millions d'euros si on inclut les frais acheteurs. C'était une œuvre vraiment exceptionnelle d'un artiste qui est une icône de l'art des années 80. C'est un phénomène de dévotion. Et je pense que c'est le saint international d'une identité qui a besoin d'avoir ses héros. Et je crois que sa valeur est une valeur iconique et religieuse. Ode de Kéros. Il est passé, alors il est mort bien sûr, parce que l'artiste vivant le plus cher du monde c'est Koons, mais il est plus jeune ou il a le même âge que Jeff Koons. Mais il est mort, et c'est ça aussi qui fait qu'il est passé au-dessus de 100 millions. Basquiat, il meurt, il n'a pas encore 28 ans. Il est tout à fait symptomatique de cette effervescence créative de New York dans les années 80. C'est un artiste qui vient de la rue, donc un langage très très brut et en même temps très contemporain. C'est un artiste afro-américain, donc ce sont des thématiques qui évidemment sont encore extrêmement actuelles aujourd'hui, les thématiques qu'il évoque dans son œuvre, et celle-ci en particulier de Jim Crow. Donc toute l'histoire de ce tableau, c'est l'histoire du peuple noir américain. We have heard about segregation, and in the 20s and the 30s, all of this excluding people was called Jim Crow. And Lead Belly wrote a blues called the Jim Crow Blues. Jim Crow était à la base le nom d'un personnage du théâtre populaire américain du 19e siècle, qui était souvent joué par un acteur blanc, grimé en noir et qui était une sorte d'objet de risée, et qui est devenu un nom comme ça tellement emblématique qu'il a donné son nom aux lois de ségrégation aux États-Unis. Et donc, dans ce tableau, réalisé en 86, plutôt à la fin de la vie de l'artiste, sur des grandes lattes de bois, Basquiat parle de ça, parle de cette ségrégation qui a beaucoup marqué l'histoire américaine et qui l'a lui-même marqué énormément jusque dans les années 80. Et Basquiat, pour les raisons que je vous ai évoquées, son côté très contemporain, son côté emblématique d'une certaine période de l'histoire de l'art, est devenu un des grands chouchous du marché aujourd'hui, c'est vrai. 15 millions d'euros, ça reste relativement peu de choses au regard de ce qui est aujourd'hui le prix record pour une œuvre de Basquiat, qui n'a pas été établie chez nous, mais chez nos concurrents, pour plus de 100 millions de dollars. Cela m'arrive souvent. La plupart des articles parlent de ma personnalité plutôt que de mon œuvre. Comment tu réagis dans ce cas? Ce sont souvent des racistes. Ils me voient comme un jeune sauvage, un homme singe, des conneries comme ça. Pour revenir à Jim Crow, vous disiez que vous n'étiez pas trop attiré par les œuvres trop violentes, mais il y a quand même une force politique très forte dans l'œuvre de Basquiat. Bah, évidemment, oui. Il y a des intéressés aussi. Ah oui, ça oui, oui, énormément. Bah, écoutez, de toute façon, j'ai toujours été contre le racisme, des choses comme ça, et il est évident qu'il y a une force de contestation dans l'œuvre de Basquiat, et là je suis tout à fait d'accord. David up front at 10 million. Euros, of course. Would you like pounds? Basquiat est à la fois collectionné par les plus grands collectionneurs du monde entier. Hein, il a une base de collectionneurs qui ne sont pas simplement ni les Français ni les Américains. Les Chinois sont très présents aussi sur ce marché-là. Les Asiatiques, de façon générale, le collectionneur que je mentionnais tout à l'heure, qui a acheté successivement une œuvre qui a fait un prix record chez nous, puis chez nos concurrents, est d'origine japonaise. Donc un marché global. Des marchands, des galeries d'envergure qui ont les reins suffisamment solides pour défendre son marché. Une reconnaissance institutionnelle extrêmement établie et une capacité à devenir davantage qu'un artiste, mais une espèce d'icône comme ça. Quand tous ces facteurs se réunissent, évidemment, les prix se mettent à progresser, d'autant plus que Basquiat a une production suffisamment large pour qu'un marché existe, c'est-à-dire que les œuvres circulent, mais suffisamment restreinte aussi pour qu'il y ait une espèce de décorrélation entre l'offre et la demande. Et là, sur un effet de marché tout à fait élémentaire, puisque la demande est très importante, mais que l'offre reste à peu près la même par définition, l'artiste étant décédé en 88, bah, les prix progressent. Au marché de l'art vivant. The Jim Crow painting, important work, at 11,400,000 against you, gentlemen. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anna Schmuck. Ah, je l'ai prêté au Japon, je l'ai prêté surtout, ça c'était bien que je le prête pour ça, au musée de Brooklyn. New York, musée quand même des Noirs, hein. Et il est allé justement il a fait le circuit aux États-Unis de tout ce qui est un petit peu branché public noir, et ça me faisait plaisir. Et il était dans ses expositions, il était à la place dans ses expositions, à sa place. Il y avait une surtout à Brooklyn, c'était formidable. Il y avait une immense salle avec trois autoportraits et mon tableau. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Don't put your paddle up or I'll sell it to you. 12,300,000 is here at 12,300,000 up front, and I'm selling. 6 on the left. I'll send you some champagne. I will send you champagne if you give me 12,000. It'll be good. Don't let them judge, David. You're the judge. New place, 12,700,000, Benjamin. New place at 12,700,000. There are three bidders here, gentlemen, and the champagne is forthcoming. 12,800,000. Je pense que je fais partie, ça, on l'a bien vu, des vrais collectionneurs qui ont vraiment pas cherché à placer. C'était pas du tout notre propos. Il est certain qu'aujourd'hui il y a des gens qui placent, mais après tout, ça fait pas de mal non plus aux artistes, hein, et aux galeries. Heureusement, ça manquait quand même un petit peu en France, un marché vivant. On était combien? Mais vous n'imaginez pas dans les années 70. On se connaissait tous. On était, je sais pas, les doigts des deux mains, hein, pas plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Mais il faut aussi dire que certainement, il y en a beaucoup qui achètent parce que ça fait bien, parce que c'est chic, et puis que c'est un placement qu'ils croient sûr, et c'est pas sûr du tout, parce qu'ils oublient une chose, c'est qu'il y a des grands artistes, mais il y a des mauvais tableaux de grands artistes. Un vrai collectionneur, il attend le bon tableau. 13,200,000. Back to Tudor's bidder. I'm looking to Edmond, who's giving me this funny surfing signal. Not sure what it means. It's probably not a bidder. 13,200,000 then. Tudor has it. Are we all done, gentlemen? It's gone. Last chance. As you showed. Vous savez où se trouve Jim Crow aujourd'hui de Basquiat? Ben non, ils ne me l'ont pas dit. Écoutez, je sais simplement que c'est dans une collection européenne. Et ça me fait plaisir. Parce que si c'est dans une collection européenne, la personne qui a acheté ça, il sait que c'est un très beau tableau. Et j'espère qu'il ne va pas ressortir sur le marché trop vite. Je me suis tenue à l'écart de toute spéculation toute ma vie. Ça m'embêterait que quelqu'un l'achète en faisant une bonne affaire. Pour moi, vous savez, l'avoir vendu à ce prix, c'est beaucoup d'argent. C'est tellement d'argent. Mais c'est l'idée que c'est devenu un objet de marché. C'est pour moi triste si c'est le cas. Je préfère qu'il reste quelque temps dans une jolie collection. Si c'est le cas, ça me ferait plaisir. Voilà. Jean-Michel Basquiat. mort, mais milliardaire. Ou milliardaire parce que mort. Qui saurait répondre aujourd'hui, à l'heure où le marché s'humanise, ne prospérant plus seulement sur le dos des ombres, il s'intéresse aux vivants. Et pour cause, il faut l'alimenter d'œuvres nouvelles, afin de répondre à la globalisation du marché. De 500 000 après-guerre, le nombre de collectionneurs serait passé à 70 millions aujourd'hui, où l'on construit près de 700 musées chaque année. Au nombre de 20 dans les années 90, on compte désormais une foire d'art contemporain par jour dans le monde. La production d'œuvres tourne à plein régime. Une aubaine pour un marché de l'art contemporain qui a progressé de 1400% ces 15 dernières années. Plus rentable qu'un lingot d'or, plus sûr qu'un titre LVMH, l'œuvre d'art qui tombe dans le très haut marché assure à son acheteur un rendement annuel autour de 10%, supplément d'âme en prime. Car faut-il le rappeler, ce n'est pas toujours sur le marché que l'on trouve la production la plus fraîche. Ressucée warholienne, vieille souche post-post-duchampienne, bref, le marché de l'art ne fait pas l'histoire. Ne serait-ce que parce que le haut marché ne se focalise que sur une infime minorité d'artistes. Les Américains Jean-Michel Basquiat, Christopher Wool et Jeff Koons trustent à eux trois près de 20% du marché mondial. L'ancien trader Koons, générant à lui seul un produit de vente annuel plus important que la globalité du marché de l'art français. S'il ne représente pas plus de 1% des transactions, ce marché d'élite où le ticket d'entrée est fixé à plus de 500 000 euros jette une lumière crue sur une relation de plus en plus décomplexée entre art et argent, où quelques hommes d'affaires font et défont artificiellement les cotes des artistes, au risque d'alimenter des controverses qui discréditent l'ensemble de la pyramide et de la production artistique de notre temps. 5 francs ! 5 francs ! 5 francs, seulement 5 francs ! Un vrai baiser d'artiste, un vrai de vrai, un vrai baiser d'artiste pour 5 francs. Qui n'a pas son petit baiser? Qui n'a pas son petit baiser? 5 francs, 5 francs. Approchez. Dominique Figarella, en tant qu'artiste, qu'est-ce que le marché de l'art représente pour vous? Le marché de l'art représente pas grand-chose. Le marché de l'art, c'est... la réalité économique dans laquelle il faut que je travaille. Je suis artiste, mais je ne suis pas quelqu'un qui est identifié comme étant un artiste faisant partie. Enfin, pour l'instant, hein, ça peut peut-être arriver d'ailleurs. Hein, mais pour l'instant, en tout cas, je ne règne pas sur le marché de l'art et je le connais de manière indirecte, en fait. Donc, ce que ça représente pas plus de choses pour moi que le marché de la viande ou que le marché des céréales. C'est-à-dire que c'est un marché qui obéit à ses lois propres, qui n'ont rien à voir avec l'art, et rien à voir avec les pratiques sociales de l'art, comme Facebook n'a rien à voir avec l'amitié, ou Twitter n'a rien à voir avec l'opinion. C'est tout simplement un travail de normation sur les individus qui se fait à travers l'économie. Et son but, son rôle, est de faire un travail normatif sur la perception et bien évidemment sur le goût. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on trouve beau. Qu'est-ce qu'il y a du goût pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on perçoit du monde aujourd'hui? Comment on le perçoit? Qu'est-ce qui était perceptible avant qu'il n'ait plus aujourd'hui? Et inversement, qu'est-ce qui est perceptible aujourd'hui qu'il n'était pas avant? Mais bien évidemment, ça se fait par le travail de normatisation, si vous me passez ce mot, que l'économie fait. C'est quelque chose qui a toujours, au fond, fait partie de l'idée de l'art. Alors bien évidemment, l'économie, et comme la technique, est exponentielle. L'économie étant une technique, elle connaît le même devenir que, la technique de l'électricité, par exemple. C'est-à-dire qu'elle est exponentielle. C'est-à-dire qu'elle fait des progrès constants, et les progrès de l'économie, c'est de recouvrir de plus en plus de pratiques sociales humaines, se loger là où elles n'étaient pas avant. Et donc, bien évidemment, on débarque dans l'art, qui est un endroit merveilleux pour les gens qui ont beaucoup d'argent, parce que c'est quelque chose, arriver à donner de la valeur par sa puissance financière. Par exemple, si vous étiez extrêmement riche, vous seriez extrêmement gratifié narcissiquement d'influencer le goût de votre époque en mettant le focus sur tel type d'œuvre, vous voyez? Donc il y a un jeu là. et repérer qu'est-ce qui va valoir de l'argent. Si j'achète ça aujourd'hui, ça va coûter plus cher demain. Donc vous voyez, c'est la même activité que les mecs ont. Ils prennent des parts de marché. Donc c'est normal que... Enfin, c'est normal. Je le cautionne pas. Hein. Mais ça n'a rien d'étonnant à ce que des gens qui passent leur temps à prendre des parts de marché se positionnent sur l'endroit même de la spéculation. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui vaut en art? On ne sait pas. Enfin, vous voyez, c'est un rapport de force. Personne ne peut donner de critères objectifs pour dire telle œuvre vaut quelque chose, telle œuvre n'en vaut pas. Ça, personne ne pourra écrire la moindre loi là-dessus. Et c'est extrêmement érotique pour les gens qui ont les moyens, évidemment, parce que donner et ou attribuer une valeur selon son simple jugement, selon son simple goût, c'est imposer presque son corps aux autres. Vous voyez, il y a un truc de... Parce que le goût, c'est le corps. Le goût, vous aimez une chose malgré vous. Vous la détestez sans même savoir pourquoi. Voilà. Donc le goût, c'est bien qu'un truc de sensibilité extrêmement intime, extrêmement organique, mais qui va déterminer aussi toute une époque. Et bien évidemment, pour des gens extrêmement puissants, ils veulent étendre leur puissance là-dessus. Il est Raymond de il Moulin, est certain que 1974. Beaucoup de collectionneurs, et on peut presque dire qu'ils sont tous sensibles à la valeur financière de ce qu'ils achètent. Ils ont l'exquise formule « nous ne pouvons pas faire de folie, nous avons des enfants ». Et ils peuvent ou bien être sensibles à la valeur refuge d'une œuvre déjà classée, ou bien au contraire tenter des spéculations sur des œuvres récentes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, service soigné vous conviendra. 5 francs, 5 francs, seulement 5 francs. Enfin une œuvre conceptuelle à la portée de toutes les bourses. Ne vous censurez pas. Approchez, approchez. De l'art, de la communication, de la générosité pour pas cher. Carte de fidélité, devenez collectionneur. 12 baisers payés, un baiser gratuit. On ne peut pas le dire qu'ils mentent quand ils disent qu'ils aiment. Autrement dit, c'est le même problème que quelqu'un qui épouse une femme riche. Elle est riche, c'est objectivement constatable. Dire que l'homme qui l'épouse ne l'aime pas, c'est impossible. C'est de l'ordre de la mise en question, de la sincérité de celui qui parle. Alors je crois que l'amour et l'argent ne s'excluent pas nécessairement. 5 francs, 5 francs. Vous pouvez également, pour 5 francs, mettre un cierge pour Saint-Orlan. C'est au choix. Un cierge ou un baiser. Saint-Orlan ou Orlancor. 5 francs, 5 francs, ça porte bonheur. N'hésitez pas, ne vous censurez pas. L'art est un langage, échangeons nos langues. 5 francs, 5 francs, un vrai baiser d'artiste pour 5 francs. Le marché de l'art ne s'intéresse plus forcément aux artistes morts, mais aux artistes vivants. Ça, c'est quand même un phénomène nouveau, Paul Nizam. Aujourd'hui, les collectionneurs n'ont pas forcément envie d'acheter un art ancien, un art terminé, qui n'est plus, mais plutôt de s'intéresser à l'art produit par leur époque, par les jeunes artistes. Et les jeunes artistes ont plein de choses à dire. Ils parlent de notre époque, évidemment, avec tout leur travers, ce qui, évidemment, peut susciter la critique. Un côté parfois très commercial de certains, très provocateur de d'autres. Parfois, ils se laissent un peu... emportés par cette espèce de machine qui fait que ils ont commencé à produire comme tous les artistes qui se lancent dans un processus de création. Ça part de quelque chose de très authentique, une espèce de feu intérieur qui fait qu'ils ont besoin de créer. Puis du jour au lendemain, pour tout un tas de raisons, jeux de marchands, phénomènes spéculatifs mais qui existent sur plein de marchés, leurs prix se mettent à s'envoler. Est-ce qu'il est si positif que ça pour eux que leurs prix s'envolent? Je ne sais pas. Est-ce que vous aimeriez que vos tableaux se mettent à, si vous en produisez, se mettent à valoir $500,000 du jour au lendemain? Comment vous produisez la deuxième série? Est-ce que vous avez encore envie de produire? Est-ce que c'est pas, vous voyez, précisément contre-productif de basculer dans ce jeu-là? J'ajoute une chose, c'est que si ce marché de l'art contemporain fonctionne si bien aujourd'hui, c'est que les chefs-d'œuvre de l'art contemporain ou de l'art, on va dire, produit après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore disponibles, ils sont en main privée. Les chefs-d'œuvre de l'art ancien, et je pourrais même dire plus récemment, de l'art impressionniste et moderne, par exemple, ou de l'art impressionniste de façon plus précise, ils sont essentiellement dans les musées. Et ceux qui sont dans les musées, en tout cas en France, par définition, ils sont inaliénables, ils ne peuvent pas sortir. Donc si on veut constituer une collection de chefs-d'œuvre, de vraiment importantes, évidemment, il faut aller sur l'art contemporain, parce que tout est encore à découvrir. Moi, je pense que l'art contemporain, ça veut un peu rien dire. Voilà, moi, je préfère dire art vivant. C'est-à-dire, c'est l'art qui se fait aujourd'hui, par des gens qui vivent, et dont les pratiques ne sont pas encore closes. C'est-à-dire que quand je serai mort, on pourra dire voilà l'œuvre de Dominique Figarella. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le dire, parce qu'elle va continuer. Donc, au fond, l'œuvre d'une personne, on la connaît quand la personne est morte, au fond. Donc, ce qui m'intéresse dans l'art vivant, c'est cette incertitude. Il y a toujours une incertitude dans l'art vivant. Alors, on l'a appelé art contemporain, un peu pour essayer de faire une coupe avec ce qu'a été l'art moderne, en disant, voilà, il y a eu la modernité européenne, il y a eu la guerre, ensuite il y a eu une deuxième sorte de modernité dans les années 50 aux États-Unis, puis après il y aurait eu une période post-moderne, et puis, moi je crois que c'est un peu des conneries. Enfin, je pense que ces distinctions ne tiennent pas trop, en réalité. Je pense qu'on est toujours dans un paradigme moderne de l'art. Que je sache, on est toujours dans le même type de société, c'est-à-dire on est dans une société démocratique économiste, c'est-à-dire qu'au fond, où des sociétés qui sont dirigées uniquement par les nécessités économiques, enfin, on gère le troupeau humain selon les quantités qu'il produit, à la fin du 19e, comme aujourd'hui, comme au début du 21e, hein, je veux dire, les industries, à part les nouvelles technologies, sont à peu près comparables. Je veux dire, donc on n'est pas dans un paradigme si différent, et la situation de ce qu'on appelle l'art contemporain, qu'on devrait mieux appeler l'art vivant, est à peu près la même. C'est-à-dire que, finalement, qu'est-ce que c'est que l'art moderne ? C'est un art où, tout à coup, il y a un nouveau public qui s'est créé. Il n'existait pas, ce public. Et avant, l'art était adressé aux aristocrates, aux grands, grands, grands premiers bourgeois. Et après la Révolution française, évidemment, il y a un nouveau public qui se crée, et petit à petit, à la fin du 19e, il commence à y avoir des espaces marchands qui exposent, comme les Galeries Lafayette. Les gens qui vont venir voir les salons, les premiers salons, c'est aussi les gens qui vont aux Galeries Lafayette, qui font les premières visites de marchandises. Et donc, il faut bien comprendre que l'art moderne, il apparaît en même temps que la marchandise, au fond. Oui. Et c'est très important pour comprendre l'art moderne. Et évidemment, moi, je pense qu'on est encore dans cette situation. Et c'est pour ça aussi que l'art, c'est une des raisons pour lesquelles l'art moderne a ouvert un conflit, au fond, qui a produit cette crise qui dure. Je veux dire, c'est pas de l'art où mon fils peut le faire, où c'est de l'escroquerie. L'idée de l'escroquerie est une idée qui a 150 ans. Voilà. Dès le début, on dit que l'art moderne est une escroquerie. Et ça persiste. Alors aujourd'hui, on dit que c'est une escroquerie parce que, en plus, c'est de la spéculation. Donc, comme c'est de la spéculation, c'est une escroquerie, etc., etc. Mais, c'était déjà le cas à la fin du 19e siècle. Voilà, il faut s'en souvenir. The King of Kitsch, enthroned in the Sun King's Palace. This exhibition of US pop artist Jeff Koons is the first time the venerated Château of Versailles. You know, it's a dream come true. Le marché est par essence spéculatif. Le marché n'existe pas pour qu'on perde de l'argent. Le marché existe pour qu'on en gagne. Mais je ne vois absolument pas ce qu'il y aurait, si vous voulez, de problématique à montrer des œuvres dont on sait qu'elles sont des œuvres de qualité et qui, parallèlement à ça, atteignent des prix extrêmement importants. Bernard Blisten, directeur du Musée national d'art moderne. Je pourrais vous en donner un exemple avec un artiste comme Jeff Koons, hein, qui est évidemment l'un des artistes les plus chers du marché aujourd'hui. Je dis, et je l'ai d'ailleurs affirmé, que Jeff Koons est un artiste important qui, dans les années 80, a changé de braquet, a travaillé sur la constitution de la valeur d'une œuvre. Il me paraissait extrêmement important de montrer cette œuvre. Nous l'avons montrée, nous avons eu le soutien de certains mécènes pour la réaliser, mais je trouvais plus important d'avoir ce soutien et de pouvoir montrer à 700 000 personnes qui ne vont pas aussi facilement dans les musées à l'étranger ou aux États-Unis, qui avaient là une œuvre sur laquelle il fallait s'interroger plutôt que de ne pas le faire. Et là, effectivement, certains ont pu dire qu'il s'agissait d'un artiste du marché. Mais c'est facile à dire qu'il s'agit d'un artiste du marché. On l'a certainement dit pour beaucoup d'artistes qui, par exemple, comme le plus emblématique de tous, comme Picasso, était un artiste célèbre avant la guerre de 1914. C'est facile de dire que tel artiste ne serait pas un artiste à montrer parce qu'il est reconnu à la fois par ses pairs et à la fois par différentes personnes qui sont des connaisseurs. Des connaisseurs, ça existe, les connaisseurs. Et de dire qu'à partir de ce moment-là, ben voilà, ça n'est pas un artiste qu'il faut considérer parce qu'il est pris par l'emballement, en quelque sorte, d'un micro-milieu. Non, il y a un milieu de l'art qui n'est pas une mafia. You know, it's a dream come true. There's always a lot of confusion with my work where people think I am making a critique, and I'm not. I'm making an acceptance of ourselves and our own history to this moment. Christie's a vendu en 2013 le Balloon Dog de Jeff Koons en plusieurs exemplaires. Il y a plusieurs exemplaires de cette œuvre, 52 millions de dollars. C'est l'œuvre la plus chère d'un artiste vivant. Comment expliquer alors un tel prix, Paul Nizam? Je pense que Jeff Koons, lui aussi, c'est une icône. Que ça nous plaise ou non, que son art nous plaise ou non. C'est un art évidemment extrêmement commercial. Mais commercial, faut pas le prendre au premier degré. Jeff Koons, il est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Il est un peu le miroir d'une époque où l'un des drivers est la consommation. Et je crois que ce côté extrêmement universel est au fond très critique, mais dans un second degré, très sarcastique dans sa façon d'emprunter, je vous dis, tous ces codes-là, qui a séduit un public parfaitement international. Je comprends à quel point Jeff Koons peut représenter aux yeux du grand public l'espèce d'imposture que pourrait être l'art contemporain. Il ne faut pas que le grand public oublie que l'art de Jeff Koons, il est à prendre au second, au troisième degré. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne pas aimer Jeff Koons, c'est un peu aussi ne pas aimer l'époque. Beaucoup n'aiment pas l'époque dans laquelle ils vivent. Je blâme pas cette chose-là. Mais vous voyez, il y a quelque chose de, je vous dis, de très très actuel et qui va rester dans l'histoire de l'art. C'est certain, parce que c'est emblématique. Comme vous savez, Jeff Koons, c'est sept dogs qui sont... chaque dog étant possédé par un grand collectionneur. Bon, quand le dernier dog est monté à 58 millions, tous les dogs sont montés à 58 millions. Vous avez là un phénomène monétaire absolument magnifique. Une œuvre sérielle peut être l'œuvre la plus chère du monde. Je crois qu'on peut se poser cette question. Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas qu'une personne qui la possède, mais sept personnes qui la possèdent. Ode de Kéros. Et donc, ces sept personnes se garantissent les unes les autres. Et c'est en ça qu'on passe de la spéculation à la financiarisation. C'est que les collectionneurs vont s'organiser en réseau fermé pour pouvoir garantir toutes les valeurs qui entrent dans le très haut marché, c'est-à-dire au-dessus d'un million de dollars, en se garantissant les uns les autres. C'est-à-dire, pour entrer dans ce réseau, il faut proposer une valeur supérieure, mais il faut que tout le monde soit d'accord, et il faut qu'ils promettent de ne pas vendre si tout le monde n'est pas d'accord. Et puis, on va mettre l'œuvre sur le marché en pariant que vous allez avoir quelqu'un qui aura envie d'entrer dans le cercle et qui sera prêt à payer le prix qu'il faut pour entrer dans le cercle. Et vous avez aussi là un moyen d'échange, une monnaie qui échappe, si vous voulez, à toutes les régulations qui sont fiscales, douanières ou autres, et où on peut se régler des dettes, on peut faire circuler l'argent sans que ça se voit tellement. Ça, si vous voulez, c'est une liquidité, c'est une commodité liquide formidable. Ben, l'art contemporain, ça passe par-dessus les frontières, ça passe par-dessus les États, ça passe par-dessus le fisc assez facilement. D'ailleurs, on choisit l'art contemporain pour blanchir. C'est la méthode la plus simple. D'abord, vous avez les ports francs, qui sont des lieux où on peut déposer la chose et ça ne bouge pas, ça ne passe pas les frontières. Et puis, en dehors, on peut faire des transactions et ça peut passer de main en main sans qu'on voit. Je dirais que toutes les valeurs qui passent au très haut marché constituent une sorte de banque sans la banque. C'est ça aussi la force de ce système. Moi, pour l'art, c'est ma peau. Vous m'enlevez l'art, vous m'arrachez la peau. Je ne peux plus vivre. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est con ce que je dis, mais c'est vrai. Parce que c'est vraiment mon mode de vie. Enfin, voilà, ça fait 30 ans que je fais ça. Donc, et puis, honnêtement, l'art et la culture, ce n'est pas fleur bleue et les petites pâquerettes. Hein. Je veux dire, c'est de l'industrie de l'armement. Et bien évidemment... Aujourd'hui, la guerre d'influence se passe, ce qu'on appelle le soft power, l'art et la culture, le cinéma, la littérature, la production théorique aussi, que je mets là-dedans, font partie, bien évidemment, de la guerre d'influence que se livrent les pays et les blocs, enfin les alliances, hein, bien évidemment. Et donc, l'argent dont vous parlez, c'est un argent qui a aussi un rôle dans la géostratégie. Prenez en gros les 100 artistes les plus chers, ils sont dans les pays les plus puissants économiquement. Enfin, bien évidemment, le marché de l'art le plus gros, il a lieu dans le pays, dans la première puissance économique du monde, hein, c'est aux États-Unis. Et puis après, voilà, la Chine commence à s'y coller. Et bien évidemment, le marché chinois et les artistes chinois commencent à coûter extrêmement cher. Enfin, ils sont comparables aux artistes américains. Ensuite, il y a les artistes allemands. Enfin, oui, j'invente pas. l'Amérique a gagné la guerre froide culturelle parce qu'elle a trouvé comme moyen de dominer, d'attirer à New York les artistes du monde entier et enlever cela à Paris en financiarisant de la façon suivante. Les agents d'influence ont demandé aux grandes fortunes américaines qui avaient des fondations, des musées et beaucoup d'argent d'acheter en amont les œuvres qu'ils voulaient montrer comme l'avant-garde américaine. Donc, si vous voulez, en fait, c'est de la fabrication de valeurs en amont, en circuit fermé. Toute la formule est déjà là, qu'on va mettre dans les institutions. Elle est institutionnalisée dès le départ. Quand Castelli va faire sa première exposition de Rauschenberg, il va l'avoir déjà vendue et placée au MoMA. Vendue à des collectionneurs et placée au MoMA. Donc en fait, le centre du monde est déjà là. Celui qui va vraiment œuvrer dans les années 90 est déjà là, puisque c'est le collectionneur. Et puis autour s'organisent les institutions, les médias, enfin tout ce qu'il faut, les galeries. Il va faire circuler très, très rapidement d'un continent à l'autre les artistes américains. Castelli va organiser le système des galeries amies. Dans les années 60 et 70, ce qu'on a appelé l'art conceptuel, au fond, ce mouvement qui a considéré que la vie de l'art était insupportable à New York, c'est essentiellement New York, hein, au fond, à ce moment-là, là, et la vie urbaine de l'art avec ce minimalisme et ce formalisme et ce néopop moribond, au fond, les artistes ont cherché à vivre des expériences en dehors de ce système d'échange d'objets marchands. Et donc, ils ont imaginé qu'en ne produisant pas d'objets, on allait pouvoir éviter la question du marché de l'art. À mon avis, ça a été une double erreur. La première, parce que le marché ne supporte pas le vide, comme l'univers, au fond, hein, je veux dire. Et les gens font toujours des traces. Donc, bien évidemment, à la place d'avoir des hommes, on s'est retrouvé avec des photos, des traces, des objets qui étaient vendus. Premièrement. Deuxièmement, ça se passe à un moment donné où l'économie, elle aussi, se dématérialise. C'est-à-dire que c'est la fin des accords de Bretton Woods en 1972. Donc, c'est l'introduction du taux fluctuant. C'est-à-dire que le dollar n'est plus convertible en or. C'est-à-dire qu'à un dollar acheté ne correspond plus aucune réalité dans le monde. Hein, vers avant, on avait comme ça des réserves d'or. Maintenant, ça va être des taux fluctuants. Donc, c'est plus que des rapports de force qui vont gérer entre eux les questions des valeurs monétaires. Et au même moment, pratiquement trois ans après, les attitudes deuxième forme faites par Razeman, donc réunissent un ensemble de gens qu'on va appeler les artistes conceptuels, qui présentent des stratégies justement politiques qui consistent à ne pas produire d'objets pour sortir, d'après eux, du cycle du fétichisme. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette exposition, il y a différents sponsors, dont Philip Morris, et le représentant de Philip Morris dit qu'il sponsorise cette expo qui l'intéresse beaucoup parce qu'il voit là des artistes qui ont compris que l'économie n'allait plus produire de valeur ajoutée sur la production d'objets, et effectivement, ça va être délégué au Sud, mais sur la production de concepts, c'est-à-dire marques et concepts d'objets. Et bien évidemment, la dématérialisation, c'est ce qui a permis la mondialisation. C'est-à-dire que la dématérialisation, c'est quoi? C'est les pauvres produisent, les riches financent, enfin, je veux dire, les pays riches financent et conceptualisent. Donc, bien évidemment, c'était très imprudent de la part des artistes, à l'époque, mais compréhensible, de penser que la dématérialisation allait les prémunir d'un rapport à l'économie, alors qu'elle-même avait déjà commencé ce mouvement, avait même précédé l'art. C'est-à-dire que l'économie s'était déjà dématérialisée. L'art s'est dématérialisé un peu après. Mais on peut comprendre pourquoi les artistes, finalement, ont joué ce jeu, et ça a produit des œuvres géniales. Ça a revivifié l'art de manière absolument géniale, entre le land art, l'art conceptuel, la performance, enfin ça a été absolument génial, et c'est encore fécond aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions quand les artistes nous continuent à nous dire ça. Avant le système américain de Castelli, il fallait 20 ans pour qu'un artiste devienne, parfois il fallait même plus. Hein. À la fin des années 50, Castelli pouvait faire une célébrité en 2 ans, et maintenant, une salle des ventes peut faire une valeur colossale en un quart d'heure. At $370 million, ladies and gentlemen. $400 million. Cet Américain-Africain qui est passé au-dessus du million lors de la vente Salvator Mundi, parce qu'évidemment, tout le monde avait les yeux fixés sur Salvator Mundi. Donc vous imaginez un artiste africain qui passe au-dessus du million au milieu de la même vente. Voilà, c'est fabuleux. Et il n'a pas été placé là par hasard. Ce sont des génies du marketing. Et moi, à chaque fois, je suis absolument soufflée. Je me dis, Chapeau, quelle ingéniosité, quel talent. Loïc et François, it is with Alex Rotter at 400 million. Leonardo Salvatore Mundi selling here at Christie's. $400 million is the bid, and the piece is sold. Tant que la liquidité existe, tant que le marché continue de s'enrichir de nouveaux acheteurs, et tant que le désir est encore là chez les collectionneurs, il n'y a pas vraiment de limite, vous voyez ce que je veux dire? Et les limites, elles sont repoussées année après année. L'œuvre de Léonard de Vinci est une nouvelle limite. Aujourd'hui, l'œuvre la plus chère jamais vendue dans une vente aux enchères, et même tout court sur le marché de l'art, c'est ce Léonard de Vinci, 450 millions de dollars. Là, ces dernières années, en tout cas, entre le moment où le marché a connu des difficultés, c'est-à-dire en 2008-2009, qui est le moment qui correspond à la crise des subprimes, à l'effondrement de Lehman Brothers, etc., qui était une période de creux. De la fin de l'année 2009 jusqu'à aujourd'hui, le marché a connu une progression assez sensible et qui a été marquée année après année. Mais je pense que le marché tire les enseignements aussi des crises passées. Précisément, quand on regarde en 2008-2009, il y a beaucoup d'artistes qui ont vu leur prix s'effondrer au moment de la crise, qui étaient précisément les artistes les plus spéculatifs. Il y a eu beaucoup d'artistes chinois, justement, puisque tout le monde s'était mis à s'intéresser à la Chine. Beaucoup avaient acheté les Chinois en se disant, voilà, c'est la prochaine star du marché, etc., etc. Je crois qu'aujourd'hui, on est revenu à beaucoup plus de fondamentaux dans la sélection des artistes, dans leur crédibilité, etc., etc. Donc, je crois que ça joue beaucoup dans la bonne tenue du marché. Et les maisons de vente ont retenu encore une fois les enseignements du passé et essaie de mettre en place des ventes qu'on appelle saines. Saines, c'est-à-dire moins d'artistes spéculatifs, une plus grande part possible accordée aux œuvres venant de collections privées et non pas de marchands, parce qu'évidemment, je vous dis, il y a des marchands qui vendent dans les ventes aux enchères. Mais quand on commence à voir que ce sont des marchands qui vendent et que ce sont des marchands qui viennent acheter, on sent qu'il y a une espèce de dérèglement du marché. Donc Christie's, comme les autres maisons de vente, essaie le plus possible de consigner des œuvres directement en provenance de collectionneurs privés et non pas en provenance de marchands. Elle a enfilé une robe trop serrée, un tout petit peu trop serrée dans le dos. Elle ne peut pas bouger comme elle le voudrait. Elle voudrait bouger, mais elle ne peut pas tout à fait dans sa robe beaucoup trop serrée dans le dos. Mais qu'importe, puisque la répétition est annulée. Il a dit que la répétition était annulée. Alors qu'importe si la robe est trop serrée. Elle a enfilé un collier trop serré, un tout petit peu trop serré autour du cou. Elle ne peut pas chanter comme elle le voudrait. Elle voudrait chanter, mais elle ne peut pas tout à fait avec ce collier qui lui serre beaucoup trop le cou. Mais qu'importe, puisque la répétition est annulée. Il a dit que la Pourquoi avoir signé en 2014 ce texte? L'art n'est pas un produit de luxe, suite à l'ouverture à Paris de la fondation Louis Vuitton, Dominique Figarella. Il disait un truc qu'on ne peut pas dire faux. Effectivement, l'industrie du luxe s'est positionnée sur le marché de l'art. En France, ça crève les yeux. Ne pas le voir, c'est... On peut au moins... Et comme cette question n'était jamais posée, comme personne n'en parlait jamais, je trouvais sympathique de le faire. Moi, je pensais réellement que tout le monde allait signer. Enfin, il n'y avait rien de méchant là-dedans. Mais non. Ça a fait flipper vachement de monde. Et donc, finalement, les choses sont pas si simples que ça. Donc, que l'industrie du luxe se positionne sur ce marché, enfin sur ce segment-là, pour identifier ses produits, le luxe à la française, et lui donner un supplément spirituel, au fond, n'est pas étonnant. Après, ce que ça produit dépend vraiment de la façon dont le milieu de l'art rentre ou pas dans le fantasme. Je pense qu'en réalité, ce positionnement de l'industrie du luxe sur le marché de l'art, il est aussi conjoint dans le temps avec le retrait de l'argent public. La partie privée du marché est un moteur de promotion. Combien d'expositions sont financées grâce aux prêts privés? Combien de tableaux vous allez voir dans telle ou telle exposition qui appartiennent à Monsieur X, Madame Y, etc. Le marché se substitue aussi un petit peu aux défaillances financières assez compréhensibles de la puissance publique qui parfois n'a plus les moyens non plus de défendre et de présenter ses artistes. Regardez le budget d'acquisition des grands musées français. Il est très marginal au regard de ce que valent les œuvres aujourd'hui. C'est aux collectionneurs privés et aux plus importants d'entre eux d'assurer cette mission quasiment de service public et de montrer leur collection. Et beaucoup jouent le jeu. I have a dream and I don't know why I and I have a dream I don't know why I and I have a dream. Par rapport à cette collection, est-ce que vous pouvez nous dire, Marie-Aline Pratt, comment vous l'avez constituée? Écoutez, au départ, nous étions étudiants encore et on a commencé à s'intéresser. De toute façon, mon mari était très collectionneur. Il aimait beaucoup l'art naïf. Il était peintre du dimanche. Ça paraît bizarre, parce que c'était un monsieur très qui avait beaucoup d'aura, d'allure, un grand monsieur. Et le week-end, il se mettait devant son chevalet, il faisait des paysages merveilleux d'ailleurs. Et il a donc aimé beaucoup l'art naïf. On a une jolie collection d'art naïf parce que c'était comme ça. Il adorait aller aux puces parce qu'il se levait très tôt, à 4 heures du matin. Il allait ce qu'on appelle au cul du camion, vous savez. Et il cherchait donc de l'art naïf, évidemment, et des jouets anciens en tôle. Mais ça, c'était pas cher du tout. Du tout. Et puis, j'ai commencé des études d'histoire de l'art après mon doctorat de droit. Je me suis orientée vers l'art contemporain et ça a donné, à ce moment-là, une impulsion un peu différente. Et donc, l'art contemporain, en quelque sorte, a canalisé notre curiosité d'esprit. Donc, on a commencé à fréquenter en particulier la très très bonne galerie à l'époque de Jean Fournier. On a dû, je m'en souviens encore, demander pour payer les impôts un moratoire parce qu'on avait trop dépensé pour acheter de la peinture. Donc, à partir du moment où mon mari a très bien progressé dans son métier, les moyens étaient plus faciles, quoi. Bon, donc, non pas que ce soit toujours facile, parce qu'on a, vous savez, une bonne collection, elle se fait en achetant toujours au-dessus de ses moyens. Quel qu'il soit, si vous voulez, on doit aller toujours un peu au-delà. Et donc, la prospérité venant, évidemment, notre collection a pris une tournure, surtout dans les dernières années, plus internationale, parce que, évidemment, les artistes français ont toujours été plus abordables, nous le savons bien, le marché est très différent. Mais quand j'ai eu les moyens d'aller au-delà, j'ai pensé que c'était vraiment, d'abord, j'avais envie, très envie, c'est pour ça que j'ai acheté le Frank Stella magnifique aussi, qui était dans la vente, et puis dernièrement encore le Reimann, parce que ça me manquait. Je trouvais en outre que c'est mieux pour les artistes français d'être avec leurs homologues américains. On a d'aussi bons artistes, malheureusement, ils sont moins reconnus. Bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, le marché de l'art représente quoi? 3-4% à peu près, c'est ça, Paul-Lisa? Le marché de l'art français, vous voulez dire? Voilà, c'est probablement en tout cas de cet ordre-là, en tout cas en pourcentage. Ça a l'air assez résiduel comme ça sur l'échelle globale du marché. Paris reste néanmoins la quatrième place du marché de l'art mondial, après, je vous l'ai dit, New York et la Chine, et puis Londres, qui reste un pôle d'attraction très important à une échelle européenne. Si on regarde par exemple les ventes aux enchères qui ont lieu chez Christie's ou chez nos concurrents, on observe qu'on ne vend pas ici que de l'art français. Je vous dis ça parce que par exemple, lorsqu'on regarde des marchés plus locaux, par exemple le marché en Allemagne, le marché en Italie, on observe que 99% des artistes présentés là-bas sont des artistes locaux, des artistes italiens, des artistes allemands. Les artistes français sont pas assez soutenus. C'est, vous savez, ce qui fait la valeur d'un artiste, c'est tout un écosystème dans lequel cet artiste va venir s'inclure. Évidemment, les collectionneurs en font partie. Je vous parlais tout à l'heure du cas italien, il est assez symptomatique. Si les prix ont tant progressé, c'est que les Italiens, les collectionneurs italiens, ont été les plus grands supporteurs de leurs artistes. Il y a beaucoup moins ce nationalisme du côté des Français. Et si vous regardez d'ailleurs les plus belles et les plus importantes collections privées françaises, certes, on va y retrouver des artistes français, mais pas que, et loin de là. Et probablement que les pièces les plus importantes chez ces collectionneurs-là, ce seront probablement des artistes étrangers, précisément. 90 degrés. Et hop, la sculpture est maintenant dans le compact disque. Est-ce que finalement, cette relation... Cet afflux d'argent n'a pas aussi décrédibilisé d'une certaine manière l'art contemporain aux yeux, on va dire, des amateurs d'art, voire du grand public, au point de lui avoir fait perdre toute forme de radicalité critique. On pense au doigt d'honneur de Catelan devant la Bourse de Milan. Mettre un doigt devant la Bourse n'est pas transgressif. C'est conventionnel, en fait. Qu'est-ce qui est conventionnel ici? C'est que je vois quelque chose, je comprends tout de suite ce que c'est. Il n'y a pas de perte. Ma perception, je m'en fous. S'il faut, j'ai pas vu la pièce. Mais c'est pas grave. Ce que vous dites suffit. Vous comprenez? Faire un gigantesque doigt d'honneur en face de la Bourse, c'est bon, la pièce, je l'ai vue, c'est pas la peine d'aller voir l'objet. Je m'en fous de l'objet, à la limite, une photo me suffit. Donc on voit bien que l'expérience sensorielle que je vais vivre est entièrement convertible dans l'énoncé que vous venez de faire. Ça, c'est une œuvre qui a une force de pénétration extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est un pitch. C'est juste un pitch. C'est un bon coup, c'est un trick, c'est un pitch. Évidemment, tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est les choses les plus vendables. Un pitch, c'est quoi? C'est court. Vous n'avez pas écouté le mec pendant 4 heures, vous emmerdez à vous parler d'art. Je veux dire, ça, vous pouvez le tweeter. Vous voyez? Vous pouvez le tweeter. Donc c'est parfait, c'est le format parfait. Mettre un doigt d'honneur face à la bourse, je veux dire, c'est la chose la plus conventionnelle qu'on puisse faire. Et c'est surtout la chose qui résistera le moins au point de vue politique. Nous n'avons pas d'œuvre de Maurizio Cattelan dans nos collections. Pas plus que nous avons d'ailleurs d'œuvres de Jeff Koons. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi il n'a pas fait de donation au musée après la grande exposition que vous lui avez consacrée en 2015? Parce que ce n'est évidemment absolument pas dans son système de pensée. Pourquoi voudriez-vous qu'un homme qui construit son œuvre sur une réflexion sur la valeur marchande et sur la valeur symbolique fasse une donation? Les artistes vous tendent des pièges. Il ne vous appartient pas nécessairement d'être les premiers à tomber dedans. Et un homme comme Koons, qui a construit son œuvre en gendre idéal, en vendeur parfait, est évidemment un homme qui sait, mieux que quiconque, manipuler même les composants de ce système. Marcel Duchamp le disait avant tout autre, bête comme un peintre. Faut-il encore que l'artiste soit bête, soit dans une sorte de nébuleuse impossible? Non, l'artiste connaît le système de l'art. L'artiste sait que l'art est aussi une marchandise. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres artistes qui vous engagent à la contemplation, qu'il n'y a pas d'autres artistes qui, de fait, veulent s'éloigner de cette dimension dite critique et de cette dimension purement transgressive. Avez-vous quelque chose à vous montrer ? C'est incroyable ! Avez-vous quelque chose à me montrer? C'est incroyable! Aujourd'hui, les publics sont des publics de masse. Je veux dire, avant, les publics de l'art, c'était très peu de monde. À 50 ans, à Paris, je ne sais pas combien exactement il y avait de gens dans le milieu de l'art, mais ça devait être 500 personnes. Aujourd'hui, vous comprenez que si vous n'avez pas, quand vous avez un grand musée, si vous n'avez pas 60 000 visiteurs, c'est un échec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de produire des expériences esthétiques pour 60 000 personnes en même temps, hein? Donc il faut simplifier les affects, il faut les rendre extrêmement stylisés pour que toute la masse comprenne la même chose au même moment. Donc je pense que ce n'est pas que le marché qui change l'art, c'est les conditions aussi du présent. C'est les conditions de ce que c'est que la gestion des masses et c'est les conditions aussi de ce que c'est que la création d'affects communs. Le marché, après, change peut-être l'ordre de ce qui va être regardé par les gens. Enfin, je veux dire, au fond, le marché de l'art, ce serait l'écosystème du milieu de l'art, mais vu par Darwin, avec une sélection absolue, je veux dire, et d'un milieu qui est constitué éventuellement de 3000 artistes, on n'en retient qu'un. C'est lui, voilà, qui va avoir toute la valeur, c'est lui qui est censé se reproduire dans les générations futures, ce qui est complètement con et complètement faux. Donc, le marché de l'art œuvre et est une force d'influence majeure, je le cache pas, je le nie pas en tout cas, dans les pratiques de l'art, mais ce ne sont pas les seuls. Ce sont les forces dominantes, c'est certain. L'économie est une force dominante dans tous nos modes de vie occidentaux aujourd'hui, mais ce ne sont pas les seuls. Enfin, ce n'est pas la seule force d'influence, voilà. Ça se passe aussi dans les écoles d'art, par exemple, où le marché de l'art n'est pas forcément la puissance la plus dominante. Donc, il y a le passé aussi qui influence l'art beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, quoi. La façon dont on peut revoir des œuvres anciennes, la façon dont on peut réinvestir des pratiques qui aujourd'hui pourraient paraître obsolètes, mais qui ont, voilà. Donc, au fond, ce qui va influencer l'art, le marché est une influence très importante, mais elle n'est pas exclusive. Et en réalité, derrière des têtes d'affiches ou des têtes de gondoles, vous avez tout un tas de milieux de gens qui travaillent, qui communiquent, qui échangent, qui s'influencent, qui regardent chacun leur travail et qui collaborent, et ça fait une vraie vie. Avez-vous quelque chose à me montrer? Avez-vous quelque chose à me montrer? Avez-vous quelque chose à me montrer? C'est incroyable! Avez-vous quelque chose à me montrer? Au marché de l'art vivant. Avec Dominique Figarella, Aude de Queiroz, Marie-Aline Pratt, Paul Nizam et Bernard Blisten. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Archivina, Sandra Escamel. Prise de son, Yann Fressy. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anna Schmuck. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast avant le cours de peinture, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Meji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, quatrième épisode, Face à la mort, une énergie nouvelle.